Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 30 juin un message de félicitations au président burundais Pierre Nkurunziza à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu de bonnes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et a souhaité de plus grands succès dans son travail pour la prospérité du pays et le bien-être du peuple.